Poursuite dans les rues de ta ville, fais la misère, ouh là là là. Marseille dans la tête, ça te vise, t'es la visière, et là là là. Poursuite dans les rues de ta ville, fais la misère, ouh là là là. Marseille dans la tête, ça te vise, t'es la visière, et là là là. J'tombe pas la page, j'ai trop vu des choses. Du tout de l'ouest, c'est trop la dose. Trop la base. T'as vu les ventes, j'explose. J'me tue trop en shit. Pendant des heures, balance, j'évite. Oh, trop de faux sur le terre, ils font les gros si ça reste des victimes. Oh, joule, j'fais de la route, j'coupe un bang, j'roule. On se parle plus, on est de la même school. Me compare pas, on a pas les mêmes boules. Y'a de l'inspire dans la ganja. Y'a un civil dans la xanja. Arrête de faire le vendeur d'ambro, tu nous esquives, toi, ganja. Il me faut du liquide, que j'coffe sans faire le gros, gros. Tout va assez vite, on s'est vite avant l'été, trop, trop. Force à toi que tu sois rap français ou entier. Ils m'ont mis la haine, pourtant tu sais, je suis gentil. Calage par-ci, calage par-là. Un massage par-ci, un braquage par-là. Ferme-la, tu vas bouffer le carrelage. Qui parle de moi, je sais que c'est des charlas. On m'a sali, mais jamais banni. Les hommes, c'est ce qu'ils sortent, pas pour rien le calibre. Recette valise, détecteur balise. Ça transporte des tonnes comme le galicien. C'est compter mes vues, mes ventes. Et je suis pas mathématicien. Ils ont vu la pochette My Ward et ils m'ont pris pour un magicien. Il me faut du liquide, que je coffre sans faire le gros, gros. Tout va assez vite, on s'est vite avant l'été, trop, trop. Il me faut du liquide, que je coffre sans faire le gros, gros. Tout va assez vite, on s'est vite avant l'été, trop, trop. Poursuite dans les rues de ta ville, fais leur la misère, ouh là là là. Marseille dans la tête, ça te vise, t'es la visière, et là là là. Poursuite dans les rues de ta ville, fais leur la misère, ouh là là là. Marseille dans la tête, ça te vise, t'es la visière, et là là là. Tous les frères en cellule, qui ont pu toucher l'eau de la mer. Non, y'a plus d'amour. Mec, c'est trop la merde. J'mets le but d'écart, j'suis numéro 10, le libéro glisse. Trop de BTH, ça devait un faux long, direct super en fils. J'me verrais bien en Lamborghini, repose dans le tapotage jusqu'à Bobigny. Mon passé, j'suis pas le rembobiné. Serre-nous du civet avec des linguines.